préfère la guerre plutôt que de faire la paix. La peine est omniprésente, la haine prend le dessus. On vit la peur au ventre à la recherche de l'issue. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. Tout serait à refaire, j'y repense parfois. Un monde doit être parfait, un monde doit être parfait. Regarde, regarde ce monde, tu verras ce qui m'attriste, qui traumatise, qui nous pousse à faire des textes tristes. On dramatise, car tout tourne autour du bise. Regarde les chefs d'État, au diable ils lui font la bise. À notre époque, trop de gens soufflent martyr. J'aimerais aller voir ailleurs, mais rien dans les poches pour partir. C'est la même partout, je sais même pas où aller. Dans ce monde bien flou, y'a vraiment trop de fous alliés. La tête remplie d'espoir, dans un monde rempli d'histoire. Perdu dans ce brouillard, je suis triste devant ce miroir. Y'a trop de guerre, ils oublient la paix, faudrait les laisser faire. Ici, il faut prendre des risques, au risque de tout perdre. L'homme et son ego est un danger pour les autres. Regarde au Tibet, la vie d'un homme ne vaut pas grand chose. Je rapperai toujours la paix, je défendrai toujours cette cause. Le monde est loin d'être parfait, et ça depuis les apôtres. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. La peine est omniprésente, la haine prend le dessus. On vit la peur au ventre à la recherche de l'issue. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. Tout serait à refaire, j'y repense parfois. Un monde doit être parfait, un monde doit être parfait. C'est un monde loin d'être parfait où tout serait à refaire. Ici tout est cassé, bienvenue en enfer. Si tu sais résister, dis-moi comment faire. Les flics veulent nous pister, alors on cherche à fuir. Dans ce monde il faut être fort et faire preuve de bravoure. Pourquoi rester brave quand personne vous dit bravo? Pourquoi se priver alors que cette vie est pourrave? Moi je te prouve qu'avec mes pros je surmonterai mes épreuves. La haine prend le dessus et la paix se dissout. Je rêve d'un bon futur avec le salaire de Zizou. Mais on rêve tous ici d'un futur assez stable. Au fil du temps on s'aperçoit que tous ces rêves sont contestables. Refrais sur cette terre, les larmes font que couler. On aimerait refaire le monde et mettre sous barreau les poulets. Rouler en dessous barreau et faire parler les rageux. Prends ton courage à deux mains car la vie n'est pas un jeu. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. La peine est omniprésente, la haine prend le dessus. On vit la peur au ventre à la recherche de l'issue. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. Tout serait à refaire, j'y repense parfois. Un monde loin d'être parfait, un monde loin d'être parfait. C'est un monde loin d'être parfait, j'y repense parfois. Tout serait à refaire, mais faut garder la foi. Jamais baisser la tête, jamais baisser les bras. Tant mieux si tu brasses et vis, tant mieux le drame. De nos jours, tout est hardcore. Sur le macadam, la merde nous colle au corps. La rue nous condamne à rapper encore et encore. Pour ça je me couche tard, dans ce monde des bombettes. Ce n'est pas un hasard, un monde loin d'être parfait. Je dirais même affreux, on veut des tentes de shit et des millions dans un coffre. Tout serait à refaire, malgré nos efforts. Frère, je t'avoue, je veux briller comme un saphir. Écoutez ma voix, les frères, je pense à vous. Vu qu'on demande pas notre avis, on vient les entraver. DLK, RIF, AKB, c'est un monde loin d'être parfait. Un monde loin d'être parfait. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. La peine est omniprésente, la haine prend le dessus. On vit la peur au ventre à la recherche de l'issue. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. Tout serait à refaire, j'y repense parfois. Un monde loin d'être parfait, un monde loin d'être parfait. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. La peine est omniprésente, la haine prend le dessus. On vit la peur au ventre à la recherche de l'issue. Regarde le monde, mec, il est loin d'être parfait. Il préfère la guerre plutôt que de faire la paix. Tout serait à refaire, j'y repense parfois. Un monde loin d'être parfait.